Chapitre 2. Le chemin passait tout en haut des rochers, dans lesquels la mer pompait et raclait sans arrêt. Jour et nuit, elle était au travail. Elle trouvait une fissure et commençait à percer un tunnel. Il fallait qu'il soit fini dans 1000 ans, et elle se mettait courageusement à l'œuvre. Quelques pas plus loin, elle martelait dans une grotte et burinait dans une faille. Dans 1000 ans, la faille devait rejoindre le tunnel. Alors, pendant les grandes tempêtes, elle lancerait en l'air des pics et des pointerolles pour creuser une galerie. Et 1000 autres années plus tard, le plafond était si mince qu'il s'écroulerait sous les averses, et un rocher se dressait, dégagé et tranchant comme une faux. Et la mère se cherchait une nouvelle tâche, elle avait le temps. Plus on approchait de la villa des tempêtes, plus la mer devenait bruyante, car de ce côté c'était le large, l'océan, et le grand courant se brisait sur les écueils. Sans arrêt, les colonnes d'écume montaient à l'assaut des récifs. Parfois, un grondement, comme si une énorme masse de rochers croulait dans la mer, une grosse lame. Je ne m'arrêtais plus, mais souvent encore, l'effroi me pénétrait le cœur. Lourdes comme du plomb, des gouttes détachées tombaient du ciel. Bas et pesants, les nuages se traînaient sur la mer sombre, comme une fumée noire, et la nuit vint vite. Nos deux phares se mirent au travail. Au nord, Stiff, telle une lune effroyable, pompant les ténèbres, il palpitait, surgit derrière la lande noire, deux fois blanc et une fois rouge. Mais au sud, très haut dans le ciel, un soleil fantomal commença de tourner comme en démence avec ses 4 faisceaux de rayons blafards. C'était Créache. Il dardait ses gerbes de lumière dans la nuit à 30 000 de distance. C'était de brusques coups d'éclairs doubles. Il volait sur la lande noire, les pignons blancs des masures, courait comme un serpent étincelant le long des rochers de l'autre côté de la baie, attouchait un récif, une vague, la frange d'un nuage, une voile. Disparu, la nuit, le noir, et déjà il vous éblouissait de nouveau. Avec la nuit, alors que se taisaient les bruits du jour et que Louis s'aiguise, la mer tonnait d'autant plus fort et on en arrivait à se figurer vivre dans un orage perpétuel. Créache illuminait mon chemin. Tous les rochers, qui ressemblaient à des crânes d'éléphants polis par l'usure et à des squelettes d'animaux préhistoriques, reprenaient figure et s'emplissaient de vie quand le coup de lumière les balayait. Au milieu d'eux se dressait un moine, blême et massié, qui levait le bras et prêchait les squelettes. « Il n'est pas encore trop tard, ô saurien !» Chaque nuit, il était là, qui prêchait. Le jour, il n'était rien qu'un bloc de roche ordinaire. Moi aussi, il me prêchait quand je passais devant lui. « Ce qui est vrai pour les sauriens est vrai pour toi aussi. » Et il se tournait vers moi, le bras levé. « Il n'est pas encore trop tard, païen !» La villa des tempêtes elle-même avait l'air d'un crâne blanchi dont le nez rongé était ma seule entrée. C'était autrefois une maison de veilleurs, mais elle appartenait maintenant à Joël le marchand, collectionneur de vieilles bicoques qu'il décorait de noms pompeux, villa des tempêtes, sans souci, Louis XVI. Je déballais mes poissons, les écaillais et les fis griller sur un petit feu dans un papier largement enduit de beurre. Du foie, je fis une sauce avec du beurre, du sel et du vinaigre, et puis nous avions encore quelques petites pommes de terre. Princier ! Les appartements de la villa des tempêtes consistaient en une seule et unique petite pièce, dont la moitié était prise par une informe cheminée, noire de suie, qui aurait presque pu m'engloutir. J'aimais à m'asseoir là-devant et à regarder le feu. Les poissons grésillaient, et dehors vacarmait la mer. J'avais l'ouïe fine et aiguisée, et je distinguais individuellement chaque lame. Avide et sauvage, le courant se ruait contre les écueils. Dans le lointain, j'entendais gronder à intervalles réguliers, comme si des tuyaux de bronze roulaient à la côte. C'était le jusant dans la baie, et à travers ce bruit, je percevais un lointain crépitement de feu de salve. C'était la mer, à Créache. Elle avait broyé les rochers en débris, et chaque lame montante et descendante roulait ses boulets de 100 kilos. Mais ces éclatements et ces craquements et ces cris, qu'était-ce donc? Non, je n'ouvrais plus la porte. Je ne voyais plus de noires carcasses de vaisseaux émerger et disparaître. Je n'entendais plus crier des gens qui se noient. C'étaient les sombres écueils qui dansaient là-bas, et je savais aussi d'où venaient les cris. C'était l'eau qui criait, le vent, les pierres criaient. Un heurte à la porte, Je ne me retournai pas. Qui pourrait venir ? Le vent pleurait à la lucarne, il pleurait d'une douleur qui n'a rien de banal, d'une douleur de choix capable de briser le cœur d'un saint. Puis il riait d'un petit rire insensé, et il était parti. J'étais assis devant mon petit feu et je fumais ma pipe. « Hé, Poupoule, vieux camarade » dis-je en lui grattant la tête. « Qu'était-il arrivé ?» Rien, mais il y avait dans l'air comme une odeur d'aventure. Ce farfadet jaune qui avait surgi de la mer aujourd'hui, je me préparais. « Prends garde à toi, Yann !» Chapitre 3. Dès le lendemain, je partis à la découverte pour débusquer Roseraire. Mais je ne la trouvais pas. Bah, elle pouvait, parbleu, bien rester où elle voulait. Je n'en étais pas réduit à elle. Et le surlendemain, je l'avais oubliée. Les mouettes criaient et les hirondelles de mer passaient à tire-d'aile, tintinabulant et glougloutant. Il ventait, le ressac tonnait, nous partions à la pêche. Nous partions pêcher le homard et la langouste, notre bateau était rempli de casiers. Kédril, le pilote numéro 1, recevait une dépêche, et nous filions entre les rapides lames noires comme un vaisseau fantôme. Nous braillions comme des démons pour dominer le tumulte de la mer. Commandement et répétition du commandement, je servais la voile de misaine et j'avais à cœur de venir à bout du vent. J'arc-boutais mes pieds sur les membrures de la barque, et souvent j'étais suspendu horizontalement au-dessus du bateau pour tendre la voile. J'avais les mains écorchées, les yeux enflammés par l'eau salée et le vent, les cheveux collés au visage. Nous croisions 8 heures durant entre les montagnes d'eau jusqu'à ce que le feu trouble de notre vapeur clignotât dans l'obscurité. Et 8 heures durant, le vent nous égrenait ses trilles dans l'oreille comme une stridente petite flûte. Le pilote grimpait le long de la noire paroi de fer et disparaissait dans les hauteurs. Une fois en haut seulement, son visage rougi par l'alcool et sa joue enflée, c'était là qu'il conservait son tabac, émergeait de nouveau dans la lumière des lampes. Adieu, pilote. Le compagnon et moi, nous appuyions de toutes nos forces les gaffes contre le vapeur pour ne pas nous y écraser, et le monstre de fer s'éloignait. Alors nous filions dans la nuit, refaisant tous ces milles pour rentrer. Les paquets de mer crépitaient sur nos vêtements huilés. Nous avions les yeux tendus sur la route noire devant nous, guettant l'écume. Car où il y avait de l'écume, il y avait des récifs. Mais par temps de brume, nous nous penchions par-dessus le bordage, le nez froncé, reniflant des tonnes entières d'air pour flairer les récifs. Nous buvions, oh, comme nous buvions effroyablement. La bouteille à la main, nous titubions le long des murailles et nous buvions, parce que nous étions altérés. Tout ce sel, il fallait bien le faire descendre. Les pêcheurs braillaient par la fenêtre, la mer avait ensauvagé leur cœur, et qui pouvait-il faire ? « Gueule aussi !» criait Yann. Et je gueulais pareillement par la fenêtre. Cela nous donnait de l'agrément. Mais durant des jours, nous demeurions solitaires là-bas, avec le vent et les mouettes, Poupoule et moi. Devant ma maison, il y avait une pierre, grande et plate comme une table. Elle était grise dans le soleil, mais par temps trouble, elle prenait une teinte foncée. C'est sur cette pierre que je m'asseyais pour regarder la mer. Les nuages couraient dans le ciel, et leurs ombres flottaient sur la mer comme des îles sombres. Le vent soufflait, tranchant l'eau d'un vert laiteux, sans discontinuer, et la mer était une armée de vagues aiguës. L'horizon fumait, le vent hurlait et cornait, et la mer était tigrée de larges bandes d'écume courroucées qui s'enfuyaient, tonnerre et éclair. L'heure passait et la mer était différente. L'espace m'éblouissait. Je me levais comme si je voulais dire quelque chose. Des mots énormes flottaient sur mes lèvres, des blocs de mots, mais leur sens m'était étranger et je ne disais rien. Je me rasseyais, le vent soufflait et attisait mon cœur, l'embrasant jusqu'en son tréfonds ancestral. Et je restais assis au milieu de l'étendue et du vide et des choses inconnues qui sont dans l'air. Je restais ainsi du matin au soir, et alors je comprenais ce que mon cœur voulait me dire. Oui, je regardais en haut. Dieu s'était absenté. Il avait provisoirement laissé la terre toute seule, du moment qu'elle était sortie de nourrice, mais les anciens dieux vivaient encore. Eux à qui je sacrifiais quand je venais par les montagnes, la hache de pierre à l'épaule. Entends-tu ? Quel grondement là-haut ! Les anciens dieux étaient en route là-haut. 1000 kilomètres carrés d'eau, 1000 kilomètres cubes d'air, tout cela m'appartenait. Non, ceux d'en haut ne devaient pas s'imaginer qu'ils avaient affaire à un gaillard ingrat et mesquin. J'allai voler la moitié d'une clôture de jardin et j'allumais un feu au milieu des rochers. J'y jetai des poissons que j'avais pris de ma propre main. Avec leurs yeux et leurs entrailles, je les jetai dans le feu et la fumée noircissait mon visage. Ils le verraient s'ils passaient là-haut, à travers les terres. Et jour après jour, je restais assis sur la pierre devant ma maison. Là-bas passaient les vapeurs. Je distinguais le moindre nuage de fumée sous les nuées traînantes, et même un mât qui cheminait à l'horizon, fin comme une aiguille, ne pouvait échapper à mes yeux. Le nuage de fumée grandissait, une tour grise et fumante se dressait sur la ligne de l'horizon. La tour s'arrondissait, il lui poussait des mâts, des cheminées, des ponts. Les mouettes s'élançaient des récifs et filaient en strident, et le vapeur approchait, luttant contre le flot. Sa proue s'enfonçait et disparaissait, longtemps, comme s'il sombrait, puis la proue se dressait en l'air et la poupe s'enfonçait, et de nouveau la proue s'inclinait, et il passait, les colonnes d'écume montaient verticalement jusqu'en haut de l'éperon, les paquets de mer balayaient le pont. Quand le temps était brumeux, il m'arrivait de perdre le vapeur de vue, et j'étais obligé de le chercher plusieurs minutes avant de le retrouver. Dans la tempête, ils apparaissaient comme des fantômes désespérés qui se battaient avec la mer. Ils avaient l'air glabres, comme rasés par l'orage. Ils émergeaient et disparaissaient, fumaient, ballottaient, plongeaient, et souvent cela durait une heure avant qu'ils eussent passé le grand courant. Ils se dirigeaient vers le sud et le sud-ouest. De ma pierre, je voyais jusqu'aux villes brûlantes et grouillantes de l'Asie, jusqu'à l'Afrique du Sud, jusqu'au Mexique, jusqu'à l'Amérique du Sud, et parfois jusque là où les îles couvertes de palmiers sommeillent dans une mer de velours bleu, et les singes grimpaient dans nos cordages aussitôt que nous accostions. Je guettais le large, le vent tiraillait mes cheveux, des étincelles s'envolaient de ma pipe et filaient horizontalement sur la lande. Perchée sur un rocher, une mouette aux plumes hérissées guettait le large comme moi. Poupoule était blottie près de moi, et son nez se fronçait à toutes les odeurs qu'envoyait la mer. C'était un chêne-navire en retraite, un grand caniche noir à longs poils, et un vrai diable, et il avait parcouru toutes les mers. Je l'avais échangé là-bas, à la côte, contre une bouteille d'eau-de-vie. De temps à autre, il faisait une petite excursion, le museau à terre, à la recherche de colimaçons cachés. Il trottinait de ci de là et descendait à la mer. Il courait sur trois pattes, ce qui, sans aucun doute, augmentait son plaisir. Il bondissait en avant, puis en arrière, la gueule en biais, et appelait la vague. Puis il revenait s'asseoir tranquillement près de moi. Un trois-mâts se dressait sur la mer. Les yeux jaunes de Poupoule étincelaient vers moi à travers ses touffes de poils grisonnants. « Oui, Poupoule, je le vois bien. Mais Poupoule voulait savoir si c'était son bateau. « Oui, c'est le tien. » Alors Poupoule poussait un hurlement bref et ardent. Je tapotais sa fourrure. « Viens. » Nous partions. Nous cherchions une plume de mouette pour ma pipe, en rôdant parmi les rochers. « Dieu veuille, Poupoule, que nous trouvions une plume convenable. » La vague clapotait. Je la regardais et lui disais « Et toi, que veux-tu donc ?» Parfois, je parlais aux grains de sable qui roulaient sur la lande, car je ne pouvais pas toujours m'entretenir uniquement avec Poupoule. Je parlais aussi aux moutons noirs attachés de place en place à des piquets et qui attendaient qu'un brin d'herbe poussât. Je les saluais et leur exposais mon point de vue. « Que messieurs vos pères fussent des moutons, avec votre permission, disais-je, cela n'a rien de honteux. Non, là-dessus nous sommes parfaitement d'accord. Mais que vos descendants ne doivent encore être que des moutons dans des millions d'années, voilà qui vous rend méprisable. Vous vous êtes fourvoyé dans une impasse. Votre situation m'inspire de la pitié. Je vous demande pardon, messieurs. » Je les saluai et m'en allai. Les moutons me suivaient du regard, grelottant de froid. Nous avions trouvé la plume et nous retournions à la maison. Écoute, tout autour, le bruit de moulins de mille chutes d'eau. Le grand poumon respirait. La mouette était en campagne. L'hirondelle de mer tintinabulait. Tri, tri, dehi, dehi. « Goulou-goulou, goulou-goulou, goulou-goulou, dehi !» Le vent balayait la lande et force m'était de me cramponner aux pierres. Mais quand le soleil brillait et que j'étais de bonne humeur, je m'asseyais dans les rochers et je tirai de ma poche ma petite flûte. Je l'avais achetée chez Joël pour me faire passer le temps. Elle coûtait 10 sous, mais elle possédait un son merveilleux. Oh, je ne jouais pas pour vous, ne craignez rien. Je jouais pour la petite vague à mes pieds, pour les poissons dans la mer, pour le vapeur dans le lointain, pour Poupoule et pour moi. Ah, quel son magnifique, merveilleusement clair. L'écho de la flûte se répercutait dans les rochers. Poupoule dressait les oreilles et me regardait plein d'admiration. Chapitre 4. Pas le moindre événement. La mer cheminait. Dehors se fit entendre un piétinement. Je me levai, le cœur battant. « Écoute, Poupoule, quel est ce piétinement? Est-ce qu'on marche dehors? Eh, attends donc, noir démon, où vas-tu? Comme tes cheveux brillent, comment t'appelles-tu? Yvonne? Je voudrais baiser ta nuque brune, Yvonne, à l'endroit où le souffle du vent sépare tes cheveux. Comme ça, tu vois, n'aie pas peur. Arrière, Poupoule. Ah ah ah, tu vois pourtant bien que ce n'est pas un mouton. » De nouveau, il se passa plusieurs jours avant qu'un être humain se montrât par là. Je vidai ma pipe, toc, toc. Le bruit résonna sur la lande. Alors un homme émergea de la lande et mit le cap sur ma maison. C'était Quédril qui venait m'inviter à sa noce. « Alors tu te maries, mon vieux ?»« Oui, je bois trop. Viendras-tu »« Si je ne viens pas, c'est que personne ne viendra, pilote. »« Tu peux peut-être apporter ta flûte. Ma petite flûte était célèbre dans toute l'île. » « Certainement, mon cher. » À cette noce, je revis la jeune fille aux cheveux jaunes. Pour ne rien perdre de la fête, j'étais sur les lieux dès le petit matin. Il y avait encore de la rosée sur les chaumes. J'étais rasé de frais, mon col encore blanchi en Europe, le dernier, étincelait au soleil. À la main, je portais 2 bagues et à mon gilet une mince chaîne d'argent que depuis 5 années déjà je traînais dans la poche de mon pantalon. Dieu sait pourquoi. Au milieu de ces pêcheurs, j'avais un air de distinction suprême et je fis sensation. À l'église, les femmes en coiffe blanche étaient agenouillées à gauche et les hommes à droite. La chevelure blonde de Rosshair tranchait sur toutes ses crinières noires comme un louis d'or nouvellement frappé parmi de vieilles monnaies de bronze. Chaque fois qu'elle faisait le signe de la croix, ses lèvres remuaient, elle ne regardait ni à droite ni à gauche. Le prêtre caquetait comme une poule qui a subi une grande injustice et ne peut pas retrouver l'équilibre de son âme. Il tonnait contre l'ivrognerie. Sans doute, c'était lui qui naviguait sur mer dans le vent et la pluie et vivait toute l'année de poissons séchés et de tabac à chiquer, tandis que les pêcheurs restaient assis dans un fauteuil rembourré et se réchauffaient à l'amitié des saints. Nous fûmes lentement grillés au feu du purgatoire, puis un léger zéphyr de béatitude passa sur nous, et le sermon était fini. Tous étaient empoignés. Quédril le marié, qui était ivre dès 7 heures du matin, prêtait l'oreille en tirant un bout de langue, et l'alcool pur sourdait de ses yeux enflammés. Sa fiancée était à genoux, le dos gras et voûté, la tête penchée, comme prête pour l'exécution. Pendant ce temps, Poupoule s'amusait royalement avec le perroquet vert de Joël, qui faisait sa promenade matinale sur la place de l'église. Je les entendais tous deux qui se disputaient. Au rire éclatant et railleur du perroquet, Poupoule répondait chaque fois par un jappement de fureur. Après la bénédiction nuptiale, tout le monde s'embrassa. Un homme fit la ronde avec une bouteille et chacun reçut une gorgée de vin consacré et un morceau de pain béni. La petite place de l'église grouillait de coiffes blanches. On eût dit qu'on venait de distribuer l'édition spéciale d'un journal. Rosshair se tenait non loin de moi, et de temps en temps elle tournait la tête vers moi. Au premier regard, elle avait découvert que je m'étais paré aujourd'hui de tous mes joyaux. 2 vieux pêcheurs s'approchèrent d'elle, ôtèrent leurs bérets de leurs crânes chauves, et courbant les genoux, ils frottèrent contre ses joues leurs visages hirsutes. Rosshair me sourit quand les pêcheurs l'embrassèrent. Maintenant c'était mon tour. J'ôtai ma casquette et m'approchai de Rosshair. Elle me regarda avec des yeux pleins d'un étonnement extrême. Ses yeux étaient gris verts, avec des étoiles jaunes au milieu. Ils avaient un tout autre aspect que la dernière fois. Comment avais-je donc pu penser que ses yeux avaient une expression de folie? Il me paraissait seulement vieux. Ses lèvres gercées, d'un rouge intense, restaient ouvertes, pleines d'étonnement. Puis elle partit d'un éclat de rire enfantin. Elle serrait ses mains entre ses genoux et se secouait comme un barbet jaune cuivre qui sort de l'eau. Tous furent gagnés par sa gaieté contagieuse, même moi, je ris pour cacher ma défaite. « Tu n'es pas un pêcheur, » dit-elle, dans le français chantant des bretonnes. « D'où sais-tu cela ? Attends, attends, si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. » De nouveau, tout le monde rit. Là-dessus, les invités se rendirent au grand hôtel et les non-invités y allèrent aussi. Le grand hôtel était une misérable masure jaune qui se trouvait à l'écart du village, à pic sur la baie, et ne pouvait pas se décider à choisir de quel côté tomber. Devant la petite porte gauchie, deux perroquets étaient perchés sur des boîtes à sardines. Sans le moindre signe d'émotion, ils se tenaient tantôt sur la patte droite, tantôt sur la gauche, roulant leurs paupières cornées, grinçant du bec, et de temps en temps ils riaient et criaient d'un ton déchirant « Voleur, canaille, feignant !» Au grand hôtel régnait Madame Chiquel, une femme solide, à la bonne heure, au verbe haut, toujours aimable, toujours accueillante, et avec des mains comme des ancres. Dans son ombre, M. Chiquel traînait son existence misérable, tel un champignon à l'ombre d'un chêne. Au physique aussi, avec le chapeau de planteur à large bord qu'il s'était adjoint, avec ses éternels pansements à la tête, aux bras et aux jambes, il rappelait un champignon. Parfois, M. Chiquel recevait un coup de bouteille sur le crâne, parfois aussi une simple série des plus ravissantes mornifles. Souvent aussi, il était obligé, pour raison de santé, de passer la nuit à la Belle Étoile. Au clair de lune, il apparaissait dans la porte et dégringolait l'escalier comme un ballot. La porte claquait dans la serrure, le verrou grinçait. Attention ! Par la fenêtre volaient des marteaux, des bouteilles, et Chiquel était forcé de se retirer dans les rochers, dans une sorte de fort, et il dormait là. M. Chiquel avait une âme de chien. Souriez-lui, que fait-il ? Il tremble de la patte et sourit de retour. Si votre sourire est quelque peu railleur ou amer, il vous sourira railleusement ou amèrement. Froncez les sourcils et transpercez-le de vos regards comme si vous vouliez le tuer. Il imitera tous vos gestes. Il était condamné à refléter l'état d'âme d'autrui. Et l'on pouvait lui faire grimper et dévaler la gamme des sentiments jusqu'à ce que la sueur lui giclât par tous les pores. Madame Chiquel lui était tellement supérieure en force qu'il devait combattre par la ruse. Il aimait à se défendre avec des objets pointus, aiguilles ou tessons qu'il mettait dans le lit. Il ne se gênait pas non plus pour verser un peu de pétrole dans la paillasse et laisser tomber une allumette à côté. Dès que Madame Chiquel remarquait par exemple qu'un clou avait traversé la semelle de son sabot ou quelque chose dans ce genre-là, elle frappait sans pitié sur le champignon. C'est dans cet établissement, le premier de l'île, qu'eut lieu la noce de Quédril. Les femmes des invités avaient apporté leurs propres couverts et leurs assiettes, car l'établissement n'en pouvait fournir autant. Et le festin commença. Un spectre marin tout ébouriffé se leva et parla. Il parlait breton. C'était des noms, une kyrielle sans fin. De temps à autre, quelqu'un faisait le signe de la croix, et Rosher tressaillait soudain, penchait la tête et remuait les lèvres, puis elle levait les yeux, un peu pâle et apeurée, tout en essayant de sourire. C'étaient les noms de tous ceux qui étaient partis sur la mer et qui n'étaient pas revenus. On servit les mets et les boissons. Il y avait du poisson, du mouton et un gâteau préparé, suivant une antique recette, avec du sang de porc, de la farine et des pruneaux. Au début, ce fut guindé à la paysanne. Puis l'amusement commença. Et ce qui le déchaîna, ce fut un doute général émis sur la fidélité de l'épousée de Quédril. Quédril s'étranglait de rire. Après le festin, on dansa sur la lande. Bumba, bumba, tous formaient un cercle et tapaient du pied avec leurs sabots comme s'ils montaient un escalier et ils chantaient « Bumba, bumba ». Cela dura un temps infini. Mais tout à coup, une voix stridente de jeune fille commença à chanter et tout le cercle se mit en mouvement. C'était Rosher qui chantait. Elle chantait avec une voix de fausset si haute et si stridente que même un grillon en eût été étonné. Elle chantait la chanson de noces bretonne. « donne-moi donc ton petit cœur, mon amour. Donne-moi donc ton petit cœur tendre. » En chantant, elle dodelinait de la tête et regardait le ciel. Ses cheveux flottaient et la ronde tournait. Les sabots claquetaient. Les fichus volaient et les longs cheveux des femmes et les rubans des coiffes blanches. Sur une moitié de la ronde, tout flottait vers le centre, sur l'autre vers l'extérieur. Les pêcheurs, avec leurs têtes de noyer et leurs yeux clignotants, trottinaient gauchement. Les femmes, avec leurs peaux tannées d'indiennes, riaient en montrant leurs dents blanches, tandis que les jupes se relevaient sur les épais bas blancs. Autour de la ronde se tenaient les enfants, vêtus de couleurs criardes comme des poupées, avec leurs têtes des tourneaux, des joues rouges et des yeux étonnés et rayonnants. Tout au fond, en dessous, grondait la mer. La marée montait et le ressac tonnait. Les mouettes stridaient et volaient au-dessus de la ronde. Le vent soufflait. C'était l'été. Le soleil brillait, mais l'île avait l'air d'un désert désolé, hérissé de rochers. Dans le lointain, sur une bande de mer d'un bleu profond, deux vapeurs glissaient vers le sud. Là-bas passait la route sur laquelle cheminait le temps. Donne-moi donc ton petit cœur, mon amour. Je suivais la tête blonde de Rose Eyre. Elle tournait en rond comme une cloche étincelante qui tintait. Elle chantait d'une manière touchante. Près de moi se tenait Yann, le petit capitaine, car nous étions toujours ensemble. Aujourd'hui, la tête de chardon de Yann n'était pas seulement lavée, mais récurée comme un pont de navire. On voyait encore distinctement chaque coup de brosse. Ses yeux bleu clair d'enfant étaient nettoyés comme des fanaux. Il portait, vu la solennité du jour, une vareuse blanche rétrécie, un col chiffonné, des manchettes bleues, des sabots noirs et une mince canne de bambou. Dans sa cravate, il avait planté de biais une épingle avec un brillant géant qui sortait de la longueur d'un doigt. Et avec cela, ah ah, tu ne sens pas ? Il s'était parfumé, le dandy. Quant à sa belle casquette bleue de capitaine, il la portait négligemment en arrière sur la nuque comme une chose accessoire et encombrante. Yann, naturellement, se tenait les jambes écartées, les mains dans ses poches de pantalon, mais c'était bien loin de lui suffire. Les pieds étaient tournés en dedans, surtout le droit, la cuisse contournée d'une manière impossible qui faisait saillir plastiquement son derrière rond. La hanche gauche était fortement ouverte en dehors, puis la taille de Yann faisait une courbe gracieuse en dedans et la poitrine était parfaitement verticale. Cette position donnait un soubassement élastique de caoutchouc et d'acier avec lequel on pouvait, en toute quiétude, tenir debout sur un pont oscillant par la grosse mer. Et l'on pouvait tourner et virer à volonté le haut du corps sans avoir besoin de modifier le soubassement. Yann était capitaine d'un petit vapeur de l'État qui était à l'ancre là-bas dans la baie. Sa carrière avait été la carrière habituelle, mousse sur un côtre de pêche, des gifles et rien à manger, novice sur différents voiliers, des gifles et peu à manger, deux campagnes de pêche à la morue sur les bancs de Saint-Pierre, manger de cochon, une couple d'années de service sur un vapeur faisant l'Amérique, nourriture supportable. À partir de là, il avait rapidement monté en grade. Il était devenu pilote breveté et l'État lui avait confié ce cercueil verni de noir chauffé à la vapeur. 100 tonnes, 6 hommes d'équipage. Cette distinction lui était bien due. Les bouts de ses doigts étaient, encore aujourd'hui, déformés d'avoir arisé la voile. Et là-bas, au Cap Horn, les voiles gelées étaient dures comme du verre. Le sang giclait sous les ongles. Et finalement, il fallait employer les coudes. Son index droit restait crochu d'avoir coupé des milliers de têtes de morue. Ses doigts avaient de profonds sillons creusés par la ligne, ses mains étaient durcies par les avirons et les éternels cordages. Yann était un gaillard bon à tout. Il était tailleur, cordonnier, menuisier, serrurier, cuisinier, que n'était-il pas ? Il savait tricoter des bas, tresser et rapiécer des filets. Avec un bout de fil de fer qu'il trouvait sur la chaussée, il vous ouvrait toutes les serrures. Ce diable d'homme parlait arabe, malais, chinois, que sais-je encore, sans compter ces misérables langues comme l'espagnol, le portugais, l'anglais, etc. De toutes ces langues, il ne savait que 5 mots. Mais avec cela, il pourrait dire tout ce qui était nécessaire pour subvenir aux besoins d'un matelot qui descend à terre. Au surplus, il savait de toutes les langues la plus ignoble injure qu'il employait quand ses connaissances lui faisaient défaut ou quand quelque chose n'allait pas à son idée. Sitôt qu'il mettait le pied sur une côte lointaine, il lançait à la face de la racaille cette injure capitale. « Ah, c'est un initié, celui-là. ce n'est pas un bleu. » Les prix baissaient rapidement, car Yann jetait à chaque offre, même la plus modeste, la même énorme injure, et c'était le même mot que recevait à la figure l'heureux mortel à qui il achetait quelque chose. Tel était Yann. Il était bourré de devinettes insidieuses, et avec 12 allumettes, il pourrait venir à bout de problèmes à vous casser la tête. Dans une simple carte à jouer, il pouvait découper quelque chose d'une inconvenance si inouïe que l'eau vous en sortait des yeux. Donnez par exemple votre couteau à Yann. Il le prend dans la main comme un numismate fait d'une monnaie rare. Des pivots en cuivre, bon, ça ne rouille pas. Il le plante dans le comptoir de Joël, pèse dessus, coupe une profonde entaille dans la table de Joël. L'acier est bon, en somme un chic couteau. Il place les deux lames verticalement au manche. Si quelqu'un en a envie, je me mets le dos au mur, approché, pan, deux coups à la fois. Yann ouvre complètement les lames, comme ça, si quelqu'un vient par derrière et un autre par devant, une, deux. On balance le bras, celui de derrière reçoit le couteau dans le ventre, celui de devant dans la gorge. Un chic couteau, merci. Et pourtant, Yann avait bon cœur. Il pouvait bien lui arriver de frapper son mousse d'un coup de poing en pleine figure, mais il lui donnait 10 sous dès que sa mère était malade. L'émotion pouvait lui mettre les larmes aux yeux à propos d'un petit vin qu'il avait bu quelque part 6 ans plus tôt, à propos des filles dont il avait joui. Ah, c'était quelque chose. Douce, savoureuse, et quelle voix délicieuse. Tel il se présentait, odorant et pomponné. De la tête aux pieds, un bloc d'écrasante supériorité et de mépris, et sa gueule d'empeigne n'arrêtait pas un moment. « Eh, ils t'ont donc donné congé aujourd'hui au cimetière, grand-mère » disait-il à une vieille ratatinée au visage de cire jaune. À une jeune fille qui se trouvait dans une position intéressante, il jetait ce salut d'une politesse exquise « Bonjour, messieurs, dames !» Pour chacun, il avait une petite attention en réserve. Pourtant, on ne lui en tenait pas autrement rigueur et on lui rendait la monnaie de sa pièce. Mais Yann avait toujours le dernier mot. Ah ah ah ! Et avec un rire retentissant, il donnait le coup de grâce à l'ennemi abattu. Mais maintenant son heure était venue, il tout sauta. « Que diable ai-je de coller dans le gosier ? En avant, entrons, un petit verre, et... » La ronde m'amusait, je restais. Je regardais Rose Eyre, Yann se mit à rire. « Comment ça peut-il t'amuser ? Ce sont des sauvages, » dit-il avec mépris. « Ne crois pas que ce sont des Français. Eh non, ce sont des gens du déluge, sans la moindre civilisation ni culture, une race qui meurt. Regarde-les donc, Bumba, Bumba !» Et Yann riait follement pour me prouver son degré de civilisation incomparablement supérieur. Du reste, il était de Roscoff. Il s'appelait Yann, il était lui-même breton de la tête aux pieds, le scélérat. « Connais-tu Rose Eyre ? » lui demandai-je. « Rose Eyre, naturellement, je la connais. » Le regard de Yann glissa sur moi sans s'arrêter. Il ne dit rien de plus. « Hem, en avant, marche !» Il voulait boire, et en pareil cas, il n'y avait pas de résistance possible.